Selon le décret du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, Dong Chol-ho est nommé ambassadeur coréen en République de Guinée équatoriale.